الزكاة أو الصدقات. كاتخيم صفة، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يؤمنون بجميع الكتب. يقرأون كل الكتب رسلها من الله تبارك وتعالى. خامسا الإيقان بالآخرة، وبالآخرة هم يوقنون. Notre cifa, c'est qu'ils croient en l'au-delà. وَأُولَيْكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَيْكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. الْهِدَايَ وَالْفَلَاحِ. Ils sont sur la guidée. هُمُ الْمُحْتَدُونَ. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. المهديين sur la sunna et la sunna des califes bien guidés. C'est-à-dire, ils sont sur l'hidayah, khatfa, l'ilm ou l'amal. Ya'lamoun wa ya'malouni. Et si tu regardes bien l'ayah, yaqul Allah azza wa jal, ala huda, ulaika, على هدى من ربهم على هدى. Comme on a dit que celui qui va suivre le Coran, comme le Coran il est élevé, celui qui suit le Coran il devient élevé lui aussi par rapport au reste de la création. كذلك الهدى على على الهدى وفي الظلمات. فهمتم؟ على يعني فوق، وفي تحت، في الظلمات. Le fait qu'Allah Azzawajal a mentionné « ala l'huda »« ala » harf al-jar ici « ala » élevé sur la guidée. Ça veut dire que celui qui est guidé, quoi qu'il arrive, il est élevé. Parce qu'Allah Azzawajal a dit « ala l'huda » ils sont sur une guidée. Ça veut dire qu'ils sont élevés par cette guidée. Et si tu regardes bien Allah Azzawajal, lorsqu'il dit « fi dhulumat » dans les ténèbres, ça sous-entend « fi yani taht » ils sont rabaissés en étant dans les ténèbres « dhulumat al-shirk » والكفر والنفاق والبدع والفسوق. Donc le fait qu'Allah veut dire Allah, c'est le fait de les élever, d'élever cette guidée. Elle permet d'élever l'homme qui marche avec cette guidée. فلا يسعين دوم شك. Ils n'ont aucun doute et sont des gens qui marchent sur les bonnes actions. Ce sont des gens qui, même lorsqu'ils sont touchés par un mal, يَرَعَوْنَ هَمَّ ذَلِكَ مِنْ مَصْلَحَتِهِمْ. Tellement ils sont élevés par cette guidée et qu'ils comprennent ce livre et qu'ils n'ont aucun doute dans ce livre, que même lorsqu'un problème leur parvient ou une épreuve leur parvient, ils voient cela comme مِنْ مَصْلَحَتِهِمْ, comme un bien pour eux. هُدَنْ لِمَنْ مِنْ مَنْ مِنْ رَبِّهِمْ. Une guidée venant de leur Seigneur, minallahi jalla wa ala. Wa ulaika humul muflihun. Al-falah wa wasilatuhu ma sabaqa. La conclusion, wa ulaika humul muflihun. Ceux-là sont ceux qui ont réussi. Pourquoi ils ont réussi? Parce qu'ils ont toutes les sifat qui sont juste avant. Ils ont tous les attributs qui sont mentionnés dans les versets qui sont avant. طيب الفوائد. أن من أوصاف المتقين الإيمان بالغيب والصلاة. Parmi les attributs que l'on donne aux gens pieux qu'Allah Azza wa Jalla leur a donné, il y a le fait de croire à l'invisible. D'accomplir la prière. وفي ذلك على ذلك الترغيب في إقامة الصلاة لأنها من صفات المتقين. Il y a aussi le fait ici que Allah tabaraka wa ta'ala il encourage à faire la prière, à accomplir la prière malgré qu'elle est obligatoire. Il l'encourage quand même parce qu'elle fait partie des signes des pieux. Ça c'est هذا الدليل على أن من ترك الصلاة ليس من المتقين. C'est la porte, celui qui ne fait pas la prière ne peut pas être parmi les pieux. هذا رد على الصوفية مشايخهم الذين يتركون صلاة الجماعة والصلاة الجمعة يقولون أنهم مشايخ